Elle a réuni plusieurs parmi les fondements de la foi en l'invisible. Et celui qui lit le Coran, et en particulier Surat Qaf, doit prendre le temps de méditer et de réfléchir sur les significations qui sont dans cette surah. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit parmi les sifat, les caractéristiques des muttaqoun, ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils croient en al-ghayb, ils croient en l'invisible. Ils ne croient pas uniquement ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'ils peuvent toucher ou ce qu'ils peuvent sentir avec leurs cinq sens, mais ils croient également en ce qui est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas voir parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées dans son livre. Et il mentionne justement à ce sujet-là, dans Surat al-Baqarah, voici un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute et c'est une guidance pour les pieux, pour al-muttaqin, ceux qui croient en al-ghayb, ceux qui croient en l'invisible, ce qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Qaf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vient comme avertisseur. Alors les kafiroun, les mécréants disent, c'est une chose étonnante. Quoi? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. C'est-à-dire, quand nous serons morts et que nous serons réduits en poussière, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire ressusciter. Donc ça c'est la parole des kuffars et des mushrikoun qui s'étonnent de cet événement. Ils doutent en la résurrection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'après qu'on ait été enterré et qu'on soit devenu des ossements et de la poussière, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire sortir de la terre et il va nous faire encore comme on était la première fois. Donc il s'étonne et il dit ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps. Et nous avons un livre où tout est conservé. Donc il s'étonne comment après que le corps a été rongé par la terre, comment Allah pourrait nous faire revenir? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous avons un livre où tout est conservé. Toute la forme de leur corps et tout ce qu'ils étaient comme ils étaient auparavant dans cette dunya a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre et tout est conservé de ce que la terre a rongé de leur corps. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli? Et comment il est sans fissure? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce ciel et ils le voient avec leurs yeux et pourtant ils ne réfléchissent pas et ils ne voient pas à quel point Allah subhanahu wa ta'ala l'a embelli et l'a fait sans fissure, alors que même lorsqu'ils construisent un bâtiment ou un pont ou quelque chose, après quelques années, ils commencent à se fissurer, tandis que le ciel et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fissure. Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de plantes. À titre d'appel à la réflexion et un rappel pour tout serviteur repentant, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé comme subsistance pour les serviteurs. Et par cette eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi sera la résurrection. C'est-à-dire de la même manière que la terre, lorsqu'elle est sèche et qu'elle est morte, Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur cette terre la pluie et elle redevient vivante encore une fois. Et on voit ressortir de cette terre morte des plantes et des fleurs et toutes sortes de végétations. C'est de la même manière que se produira la résurrection au jour de la résurrection lorsque les corps vont ressortir de la terre pour être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Avant eux, c'est-à-dire avant les kuffars et les mushrikines de la Mecque, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant les mushrikoun de Quraysh qui ont traité le messager d'Allah de menteur, avant eux, il y a eu les peuples de Noé et les gens de Ras. Et les gens de Samoud qui crièrent au mensonge, de même que les Ad et les frères de Lot, ainsi que les gens de Al-Aïka et le peuple de Tubba. tous traitèrent leurs messagers de mensonges. Hein? Tous traitèrent leurs messagers de menteurs. Et c'est ainsi que ma menace se justifia. Allah subhanahu wa ta'ala fit tomber sur ses peuples le châtiment qu'il leur avait promis. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une nouvelle création. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a senti aucune fatigue d'avoir créé l'homme la première fois. Alors comment pourrait-ce être difficile pour lui de les recréer encore une fois, hein, lorsqu'il les fera ressusciter? Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala est plus près de l'homme que sa veine jugulaire par sa science. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le mentionne dans plusieurs versets, il est au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, thumma istawa ala al-Arsh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Mais par sa science et par son savoir, il est plus près de l'homme que sa veine jugulaire. Et quand les deux recueillants, c'est-à-dire les deux anges qui nous accompagnent à droite et à gauche, écrivent nos œuvres, hein, et recueillent les paroles et les actions qu'on fait, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a un ange qui est prêt à l'écrire et qui est prêt à prendre en note chacune de nos paroles. Et ça, c'est pour nous faire réfléchir avant de parler, de savoir qu'au jour de la résurrection, on va voir ce qu'on avait, hein, on va voir ce qu'on avait dit et ce qu'on avait fait dans la dunya, dans un livre qui va nous être présenté. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Voilà ce dont tu t'écartais et voilà ce dont tu essayais d'éviter. Hein. C'est-à-dire que lorsque la mort arrive, la vérité, elle est claire. La vérité devient apparente. Les anges, tu les vois avec tes yeux. Aujourd'hui, tu ne faisais qu'en entendre parler dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment de la mort, maintenant c'est une autre réalité qui t'apparaît. Tout ce que tu ne voyais pas avec tes yeux, maintenant tu le vois. Et ça devient, ce n'est plus du rêve, ça devient de la réalité. Tu vois ces anges qui viennent chercher ton âme et qui viennent l'arracher. Hein? Et donc, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Chaque âme viendra accompagnée par des anges, un conducteur et un témoin qui a pris en témoignage ses œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu restais indifférent à cela. Tu restais indifférent à ce qu'on avait mentionné au sujet de l'au-delà et qu'est-ce qui se produit après la mort. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile et ta vue est aujourd'hui perçante. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois clairement tout ce que tu niais ou tout ce que tu refusais d'accepter. Et son compagnon dira, c'est-à-dire l'ange qui l'accompagnait dans cette vie et qui écrivait ses œuvres, dira, voilà ce qui est prêt avec moi. Hein, voilà ce qui est avec moi tout près, le livre de ses actions. Vous deux, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux deux anges, vous deux, jetez dans l'enfer tous mes créants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs et douteurs. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit ces gens-là qui vont en enfer. Il les décrit en disant tous mes créants, c'est-à-dire les gens qui rejettent la foi, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. C'est-à-dire, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien associer avec lui, ils adoraient des idoles, ils adoraient des statues, ils adoraient des tombes, ils adoraient des saints, ils adoraient des morts, ils adoraient des croix, ils adoraient des anges, ils adoraient des djinns, ils adoraient le soleil, la lune, ils adoraient toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le shirk que Allah a interdit. Et c'est ceux-là qui ont commis le shirk, c'est ceux-là qui seront le combustible de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Allah dit, jetez-le donc dans le châtiment. Son camarade, le diable, dira, notre Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. mais il était déjà dans un profond égarement. C'est-à-dire le shaitan, il essaie de se défendre. Il essaie de dire, c'est pas moi qui l'a forcé à faire le péché, c'est lui-même qui était déjà dans l'égarement. Donc il essaie de se laver les mains de la responsabilité. Hein? Et effectivement, il n'avait aucun pouvoir sur nous de nous forcer à faire un péché. Celui qui a fait un péché, c'est uniquement parce qu'il a suivi ses passions et ses désirs. Hein? Et ça, ça montre l'attitude lâche et hypocrite du shaitan qui nous incite à faire le mal et qui nous souffle le mal et une fois qu'on l'a fait, nous abandonne dans le mal. Alors Allah dira, ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas devant moi alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y en a-t-il encore? Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va remplir l'enfer, hein, il va demander à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Et l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a encore? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis dans le Coran de remplir l'enfer. Il dit, وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Mais la parole s'est avérée véridique, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ma parole s'est avérée véridique, je vais remplir l'enfer des djinns et des hommes. Hein. Et donc, l'enfer doit être rempli. Dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah. S'il reste de la place, il va créer une nouvelle créature, il va les faire rentrer dans le paradis, par sa grâce et par sa miséricorde. Mais l'enfer, il ne fait rentrer que ceux qui méritent l'enfer seulement, ceux qui ont commis les péchés, ceux qui ont fait le shirk et ceux qui ont commis le kufr. Et donc, il ne rajoute pas des créatures qui vont entrer dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il va faire Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là va mettre son pied sur l'enfer et l'enfer va dire qat, qat, c'est-à-dire ça suffit, ça suffit. Et elle va se rétrécir sur elle-même et il sera rempli à ce moment-là. Comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute, c'est-à-dire qui craint le très miséricordieux Ar-Rahman, bien qu'il ne le voie pas et qu'il vienne vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité et paix. Voilà le jour de l'éternité. Ça, c'est pour les mu'minoun qui vont rentrer dans le paradis. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront dans le paradis. Et auprès de nous, il y aura davantage encore. Et les ulama ont expliqué qu'il y aura davantage encore signifie qu'ils vont voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a davantage, hein, Al-Mazid? Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant vainement à fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Sans éprouver la moindre fatigue, contrairement aux juifs et aux chrétiens qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala la fatigue. Et ils ont dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Alors Allah subhanahu wa ta'ala s'est innocenté et s'est purifié de cette imperfection et de cette insulte. Et il a mentionné qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'aucune lassitude ne l'a atteint. Sans éprouver la moindre lassitude. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche pour annoncer le jour du jugement dernier. Hein? Lorsqu'il y aura l'ange qui va souffler dans la trompe. Le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. C'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce rassemblement, hein, ce sera très facile pour lui. Nous savons mieux ce qu'ils disent, et tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, c'est pas de contraindre les gens et de les forcer, mais sa mission, c'est de les rappeler. Et donc, c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle donc par le Coran celui qui crée ma menace. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Et donc, ça, c'est un exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé dans l'akhirah pour les mu'minines et pour les kuffars. Et donc, il faut faire des efforts pour bien comprendre et bien méditer le Coran. C'est pas seulement de réciter le Coran et de lire les lettres et de passer par-dessus sans réfléchir sur sa signification, sans réfléchir sur ses lettres et sur qu'est-ce que ça veut dire. On sait que le Shahr Ramadan, c'est le Shahr Coran. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée. Et donc c'est le mois du Coran. Et il faut faire des efforts pour le lire et pour le comprendre également. Méditer sur ses sens, méditer sur ses significations. Et ça, c'est plus important. Et ensuite de ça, appliquer. Qu'est-ce qu'on a appris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Wadammir a'da' al-din. Wansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika ya rabbal alamin. Wa qumu ila salatikum. Barakallahu fiikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى